La radio des bons cons, au bon con, la bonne saucisse. La bonne saucisse. J'ai passé ma vie à affronter ce virus. J'ai regardé ce que j'aimais, mourir. Certains n'avaient pas de masque, d'autres plus de gel hydroalcoolique. Toutes ces semaines, je suis resté confiné à attendre. Mais l'heure est venue d'affronter ce virus. Et s'il veut m'infecter, je me laverai les mains avec du savon. Je veux ma vengeance. Je veux qu'il sache. Et rien ne pourra m'arrêter. Pas même... Merde. Rambo Covid-19, bientôt sur vos écrans. La radio des bons cons, la bonne saucisse. La bonne saucisse.